Je me pose souvent une question, frère Mike. Laquelle, ma chérie? Si Jésus n'était pas venu, qu'est-ce que voulons-nous être? Perdu? Et quel serait notre sort? Écoute, Greta, les fils de l'homme étaient venus pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus, ok? Baba, Mungu wangu, uliacha sifa yako juu yangu. Alifichikiwa masiku ilipitaka, hakujui nikanaka kwa wandugu zake. Alifichikiwa masiku ilipitaka, hakujui nikanaka kwa wandugu zake. Oh, kama walimuficha, ni kwa juu alikuwa warazimaye. Kama walimuficha, ni kwa juu alikuwa warazima. Alisho mesha wakati zake, kwa juu Mungu alipenda azaliwe. Alishonesha wakati zake, kwa juu Mungu alipenda azaliwe. Kama alishonesha, ni kwa juu ya kututuliza. Kama alishonesha, ni kwa juu ya kutuponesha. Kama alishonesha, ni kwa juu ya kututuliza. Yolele, yolele, yolela. Comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, kudu indizake, akuna maisha, akuna kitu. Mungu anafanya vitu vya vizuri kwa wakati zake. Alijonesha, ni kwa juu ya kututuliza. kaka kupo.